Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce pilote de fin du game, un podcast dans lequel on parle de jeux vidéo en long, en large et en travers, et surtout dans lequel on ne se gêne pas pour spoiler. Je suis Hugo, si vous ne me connaissez pas, je travaille sur Game Next Door, qui est une chaîne YouTube qui parle de jeux vidéo, et je travaille aussi chez Gamekult à travers Loop, une autre émission qui parle de jeux vidéo. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Maxime. Bonjour. Ça va Maxime ? Ça va. Super. Et je suis aussi avec Exerve. Salut. Comment tu vas ? Bah bien aussi. Super, tout le monde va bien, c'est parfait. Ah mais c'est tu sais, c'est même la tradition au début des podcasts, tout le monde va bien. Voilà, c'est ça. Ça permet de rassurer un petit peu les auditeurs, se dire qu'ils sont en confiance. Alors, avant de commencer, je vais peut-être présenter un petit peu pourquoi fin du game, c'est quoi cette histoire ? Pourquoi ces gens-là sont en train de vous parler dans vos oreilles ? Bah pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on aime bien parler de jeux vidéo, donc tout prétexte est bon à prendre pour le faire. La deuxième, c'est qu'on habite tous au même endroit, c'est pratique pour se réunir pour faire un podcast. Dans la même ville, je précise. Voilà, dans le... Effectivement, on ne sait jamais, ça pouvait laisser à confusion. Ouais, parce que bon, vous deux, à la rigueur, voilà, vous êtes une paire, vous fonctionnez en bundle, c'est ça, moi, je suis une pièce rapportée. Il n'y a qu'un corps pour deux cerveaux, effectivement. En direct de la podcast house. Et la dernière raison, qui est peut-être la plus légitime, c'est qu'on avait vraiment envie de créer un espace, en fait, dans lequel on pourrait parler de jeux vidéo sans se prendre la tête avec des spoilers. Alors, ce n'est pas pour faire les rebelles, parce qu'on a trop envie de spoiler, mais c'est parce qu'on considère que... Pour comprendre les jeux vidéo, pour essayer d'entrevoir ce qu'un jeu apporte au paysage vidéoludique, au médium en général, c'est important de prendre en compte tous les éléments qu'il constitue. Ça va être des éléments mécaniques, les jeux ils se dévoilent pas dès les premières heures, encore heureux, il y a des choses ludiques qui s'opèrent dans toute leur longueur, et puis il y a aussi des éléments narratifs. Aujourd'hui la narration elle a de plus en plus d'importance dans le jeu vidéo, et c'est vrai que c'est dommage de ne jamais pouvoir parler d'éléments clés du récit ou même de la fin des jeux. Toi par exemple, Exerf, t'as été testeur pendant un moment chez GK, tu peux pas spoiler dans un test. Ouais, c'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'en fait tu dois indiquer aux gens s'ils ont envie ou pas d'acheter un jeu sans vraiment leur dire ce qui fait que le jeu est vraiment très bien. Tu vas donner des exemples, tu vas être vague, tu vas parler de termes génériques, tu vas dire oh, la direction artistique, oh, les graphismes, le gameplay, tu vois, des trucs comme ça, mais tu pourras jamais dire. Alors là, à ce passage, franchement, mais moi j'étais vraiment en train de frissonner parce que c'était exceptionnel, blabla. Tu peux pas faire ça dans un test. Tu peux éventuellement le faire dans une vidéo, et là, c'est vrai qu'on s'est, quand on s'est rencontrés tous les trois, on s'est dit, ça serait vraiment cool de faire un podcast autour de ça pour pouvoir à la fois analyser les jeux vidéo, pas être dans du simple conseil, mais vraiment essayer de plonger au cœur de chaque jeu, quoi. Ouais, exactement. Même nous, Max, dans Game Next Door, tu vois, c'est un truc qu'on peut pas trop se permettre de spoiler, en fait. On garde toujours les aimants, on va se dire, on a une espèce de règle tacite, c'est la deuxième moitié des jeux, hop, on n'en parle pas parce qu'on a peur de spoiler. On veut pas gâcher ça. Et là, du coup, dans fin du game, c'est ça qu'on a envie de faire, c'est une espèce de rendez-vous où vous pouvez venir. Une fois que vous avez terminé un jeu, vous avez un endroit où vous allez pouvoir avoir, je sais pas, une autre lecture en fait de ce jeu-là, et dans lesquels on peut vraiment discuter des éléments qui nous ont intéressés dans le jeu. Ou alors, vous en avez rien à foutre, vous avez pas peur de vous faire spoiler, pardon, et c'est peut-être très bien comme ça. Et du coup, ce premier épisode sera consacré à Céleste. Et c'est pas pour rien qu'on a choisi Céleste, parce que c'est un jeu qui finalement, dans toute sa durée, a des choses à raconter, à la fois sur le plan mécanique, mais aussi sur le plan narratif. Donc c'est parti pour ce premier épisode, fin du game Céleste, on y va. Alors, avant de commencer de vous demander vos avis, on peut peut-être recontextualiser un petit peu Céleste, le projet. Le studio derrière, c'est Matt Makes Games. Exerve, est-ce que tu peux éventuellement nous rappeler un petit peu c'est qui les gens derrière Matt Makes Games ? À l'origine, en fait, c'est plutôt un duo, donc deux développeurs canadiens, Matt Thorson d'un côté et Noël Berry. Ouais, Noël Berry, voilà, c'est ça, excuse-moi, j'ai les noms, tu vois, sur la petite fiche. Et donc, en fait, les deux, alors, ils ont chacun un rôle un peu particulier. Matt Thorson est plutôt à la conception et à la narration. Noël Berry est plutôt sur le côté développement pur, la version programmation de leur recréation. Ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'ils travaillent ensemble, ils font des game jams, ils ont produit pas mal de jeux. Pourquoi ils sont connus aujourd'hui ? Parce qu'ils ont réalisé, il y a quelques années, un petit jeu qui s'appelle Towerfall Ascension, qui était d'ailleurs, attention, alors là, révélation exclusive, le plus grand jeu de la Ouya, cette fameuse console qui était passée par Kickstarter et qui s'est vautrée lamentablement. Le jeu était tellement bon que finalement il a été porté sur à peu près toutes les plateformes, que ça soit les machines à laver, les réfrigérateurs, ça fonctionne partout, Towerfall Ascension. C'est un excellent jeu, mais qui n'avait pas du tout ce côté narration qu'on a aujourd'hui dans Céleste, mais qui avait par contre ce côté au niveau des mécaniques extrêmement pur, vraiment très épuré, qu'on va retrouver dans Céleste. Alors, ils n'ont pas été tous les deux seuls sur Céleste, ils se sont fait aider également par des artistes. Donc, un duo qui s'appelle Amora Bethany et Pedro Madeiros, qui sont deux Brésiliens qui travaillent ensemble. L'une va être plutôt sur la partie pixel art et l'autre qui va être plutôt sur la partie artwork qu'on va voir un petit peu, c'est l'inverse. Ouais, je crois que c'est Amora qui est l'illustratrice et Pedro qui est le pixel artiste. Ils se sont également fait aider pour la partie interface, donc la partie 3D dans laquelle on va se déplacer d'un niveau à l'autre. Moi, j'ai juste noté Gabi D'Arienzo, voilà, c'est ça, pour la partie interface. Et enfin, donc, la dernière personne à apparaître au crédit de Céleste, c'est Nella Rain, la compositrice qui a fait la musique, qui pour le coup, elle aussi, a vraiment marqué le début de l'année 2018. Puisque quand la bande originale du jeu est sortie, c'est devenu très rapidement dans les tops des charts de Bandcamp. Alors ça paraît pas fou dit comme ça, mais c'est pas dans la catégorie jeux vidéo, c'est dans toutes les catégories. C'est-à-dire que ça a dépassé vraiment tous les artistes, on va dire classiques, entre guillemets, qui produisent également leurs albums. Là, c'est un album de jeux vidéo qui est devenu la meilleure vente pendant presque un mois sur Bandcamp. Et on aura l'occasion, je pense, d'en reparler un petit peu de musique à un moment donné. Exactement. Donc, Céleste, c'est sorti le 25 janvier 2018, il me semble. Ça a été super bien accueilli par la critique. Je crois que sur Metacritic, c'est un truc genre 92, je crois que c'est ça. C'est vrai, c'est ça. Pareil dans la presse, en tout cas française, ça a été bien reçu, les joueurs également. On va vous spoiler tout de suite notre avis, nous aussi. Ça a été quand même, je pense qu'on est plutôt beaucoup apprécié Céleste, mais on va y venir un petit peu. En termes techniques, on appelle ça « ça tue ». On a... voilà, c'est ça. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Brièvement, l'histoire de Céleste, c'est quoi? C'est donc l'histoire de Madeline, qui est une jeune demoiselle, qui se met en tête de gravir le Mont Céleste. On ne sait pas trop pourquoi au début. Il me semble... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti, c'est juste une espèce de... Elle a envie de se prouver quelque chose à elle-même. Mais en fait, très vite, on va se rendre compte que ce n'est pas seulement ça. On va se rendre compte qu'elle a des problèmes internes, mentaux. Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de la dépression, de l'anxiété? Je ne sais pas. S'ils mettent deux mots, j'ai pas le souvenir qu'il y ait vraiment deux mots qui soient. Non, ça fait là-dessus. Partie un peu du mystère. On sait qu'elle a quelque chose, on sait qu'elle a des problèmes de confiance en elle, voilà, des crises d'angoisse, ce genre de choses. Mais il n'y a pas de terme, c'est pas catégorisé, tu vois. Et on n'est pas dans la classification du alors elle est dépressive, lui il fait ci, lui il fait ça. Mais on en reparlera, ça fait partie de vraiment toute une approche du jeu. Et donc tous ces démons, en fait, ils vont se matérialiser en la personne de Madeline, qui reprend un peu un trope hyper classique, enfin en tout cas un cliché du jeu vidéo, de la plateforme. C'est l'espèce de double maléfique, mais donc tous ces démons en fait intérieurs à Madeline s'incarnent en ce personnage et finalement tout le fil rouge du jeu, ça va être Madeline qui va perturber cette ascension, qui va venir la freiner, Madeline qui va venir peser un petit peu sur son escalade. Et alors bien sûr il y a d'autres personnages, il y a notamment le petit mec de l'hôtel, et il y a un petit gérant d'hôtel qui est un petit peu bordélique et stressé. Il y a aussi Théo qui va avoir un vrai rôle à jouer dans la construction de Madeline, dans son parcours en fait émotionnel. Et donc plein de péripéties, il va se passer plein de choses entre Madeline et Madeline, et au final en fait on va se rendre compte que le combat contre Madeline, pour qu'il cesse et pour qu'on arrive au bout, il va pas falloir la fuir, il va pas falloir la rejeter. En fait elle va accepter, elle va comprendre qu'il faut accepter cette partie d'elle-même, donc ses angoisses, ses peurs, ses craintes, et pour être en paix avec elle-même. Et c'est ce qui lui permettra en fait de gravir les derniers mètres du Mont Céleste et d'arriver à son sommet. Voilà, donc ça, c'est pour l'histoire. Je crois que j'ai à peu près résumé le truc. Ah bah, très bien. Très moi, j'ai trouvé ça super. Tout de suite, je m'abonne et je mets des pouces. Je ne sais pas ce qu'il faut faire avec les podcasts, mais je le fais tout de suite. On met les étoiles. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, donc ça, c'est l'histoire. Maintenant, ce qui est intéressant dans Céleste, c'est que cette histoire, elle n'est pas seulement racontée par des dialogues, des mots, elle est aussi énormément racontée par le gameplay. Et je crois que Maxime, tu as pu noter des trucs assez intéressants à ce niveau-là. Ouais, bah déjà, en fait, vraiment la première fois où on se rend compte que Céleste, c'est pas un platformer comme les autres, on peut dire que c'est à la fin, en fait, du chapitre 1, début du chapitre 2, où, en fait, donc Madeline s'endort, elle est dans un rêve, donc là, on a tout un chapitre avec des mécaniques qui sont un petit peu liées au rêve, mais à la fin de ce chapitre 2, on a la matérialisation, vraiment, de Madeline. Et là, en fait, en termes de mécanique, on est un petit peu dans un gimmick presque du platformer où quelque chose nous poursuit avec un petit temps de décalage. Si on reste sur place, la chose nous rattrape et nous tue, donc il faut s'enfuir. Et là, c'est vraiment donc, notre double, en fait, une partie de nous-mêmes qui nous poursuit. Comme on disait, c'est Badlin, qui est donc une certaine symbolisation d'une maladie mentale, un peu des démons intérieurs, une mauvaise partie de nous. Et donc, ce qui était un gimmick un petit peu de la plateforme, là, a tout son sens. on est poursuivi par une partie de nous-mêmes. En fait, c'est une espèce de crise. Il y a une espèce de crise, en tout cas, c'est à ce moment-là. On peut le voir comme ça. Et du coup, ouais, il y a une espèce de fuite, finalement. Mm. On fuit Badeline à travers tout le niveau. C'est-à-dire, je crois que le niveau, on commence un peu à le traverser comme ça, tout seul. Et après, on arrive devant un miroir. Le miroir se brise. Et là, en fait, il y a Badeline qui ressort. Je crois que c'est comme ça. Alors, on la voit une première fois dans le miroir, effectivement. Ouais. Et en fait, elle réapparaît un peu plus loin dans le niveau. Parce qu'au début, bon, il y a juste déjà la confrontation. Tu vois, la découverte qu'il y a une autre personnalité de Madeline à travers le miroir. Et effectivement, quand elle arrive en haut du niveau, un peu plus tard, juste avant la fin, elle se pose. Et là, effectivement, il y a tout le passage après de poursuite. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est un gimmick de la plateforme qui est souvent utilisé, mais c'est que là, en fait, c'est vraiment les actions du joueur qui sont reproduites à quelques secondes. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment un double de Madeline. Quoi. C'est pas juste quand vous allez faire un saut, Madeline va se mettre au même endroit quelques instants plus tard et faire un saut. Donc, en fait, quand on comprend ça, au début, évidemment, on est plus dans la panique, mais dès qu'on va comprendre ça, on va pouvoir en fait exploiter ce système-là, tu vois, jouer contre soi-même et se permettre de se trouver une échappatoire, parce que les niveaux sont quand même assez complexes, on y reviendra, pour pouvoir justement lui échapper. Et donc, ouais, très tôt, en fait, on voit que les mécaniques de la plateforme servent une certaine narration. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver plus tard, notamment dans le temple, qu'on peut appeler un petit peu le temple de l'introspection, où déjà, on voit que c'est un niveau, en fait, qui en dit un petit peu sur nous. Donc, c'est les personnages, je crois que c'est Théo qui nous dit que c'est un lieu qui exacerbe un petit peu nos émotions, nos visions, etc. Et déjà, quand on se balade, on voit que c'est un lieu un petit peu sombre, on voit pas très loin devant nous. Il faut vraiment avancer dans le niveau pour voir où ça tourne, où est-ce qu'on peut aller. Donc c'est pour ça qu'on peut faire un certain lien avec l'introspection. Il y a des monstres un petit peu qui nous attaquent, donc on peut se dire que peut-être que Madeline se fait un petit peu du mal, ou peut-être c'est du doute, enfin voilà, on peut avoir ce genre d'interprétation. Et il y a un moment où on va voir Théo aussi, qui est donc un petit peu victime aussi de ce temple. Ouais, on l'a peut-être pas trop expliqué, mais ouais, Théo, en fait, peut-être rappeler brièvement, en fait, moi, en tout cas, ce que j'en ai compris, c'est que c'est quelqu'un qui a un peu des problèmes. Enfin, il est tout le temps sur Instagram, il a un vrai, d'ailleurs, un vrai compte Instagram qui est dispo encore aujourd'hui, vous pouvez le suivre. Ouais, il y a des dessins, du coup, il y a des illustrations là, d'Amora qui apparaissent dessus régulièrement. Et Théo, lui, en fait, on sait juste au départ qu'il est là pour grimper la montagne comme son grand-père. Ouais. Parce que voilà, il avait un lien très fort, il avait un boulot qui lui plaisait pas trop et il a décidé de tout claquer du jour au lendemain. Tu vois, on est vraiment le trope du retour aux sources, quoi. Ouais. Et de refaire le même chemin que son grand-père avait fait pour se découvrir. Et donc, Théo, en fait, il met des mots sur ce qu'essaye de faire Madeline, qui elle a un peu du mal à le comprendre. Et ça va devenir petit à petit son ami au fur et à mesure, parce qu'ils vont se recroiser régulièrement. Au début, Théo, on le voit, il est en train de faire ses petits selfies. Et petit à petit, on va le voir de plus en plus régulièrement. Et il va accompagner, en fait, même Madeline jusqu'au moment où il va justement dans ce fameux temple. Ouais, du coup, ouais, ce temple d'introspection, en fait, c'est important de le dire, parce que Théo, en fait, lui, donc, il fait des selfies. Mais tu sens, en fait, dans ce temple, quand tu traverses le niveau, en fait, tu rentres à un moment dans le temple côté Théo, en fait, et du coup tu ressens qu'il y a plein d'œils, en fait, qui l'observent, en fait, et tu comprends que c'est ça, finalement, qui lui pose problème. En fait, il y a un problème avec l'image de soi et le regard des autres, et il est même enfermé, en fait, dans un cristal, et on peut dire peut-être qu'il se protège un petit peu du regard des autres, ou en tout cas qu'il ne l'apprécie pas, qu'il s'en défend. Et encore une fois, on voit que ça devient une mécanique de gameplay où on peut en fait prendre Théo, donc le saisir comme un objet, et on peut s'en servir comme un objet, donc en le lançant sur des boutons pour ouvrir des portes. On peut le jeter aussi sur les monstres qui nous attaquent. C'est un bloc, quoi. C'est ça, ouais. Et il y a vraiment, en fait, en tant que joueur, en termes de gameplay, quand on le prend, il y a un petit temps d'animation. Quand on est dans les airs et qu'on le jette, c'est aussi un temps supplémentaire à prendre en compte avant qu'on puisse dasher ou quoi que ce soit. Donc ça devient une vraie mécanique qui nous accompagne, en fait, tout à la fin de ce niveau. Et donc, encore une fois, on voit que le jeu, ce platformer avec son gameplay, nous fait comprendre, en fait, des émotions, ou en tout cas accompagne ce qu'on comprend des émotions des autres, quoi. Parce que l'idée, c'est qu'en fait, Madeline, elle va sauver, enfin, on va sauver un petit peu Théo à ce moment-là. Donc il y a vraiment cette idée de, on le prend sur nous et on le porte avec nous. Donc il y a vraiment J'aime bien l'idée, moi, plutôt de l'aider, de le soutenir, support en anglais. Donc vraiment, elle le porte, elle l'amène à différents endroits. Mais à la fin, c'est Théo lui-même qui va se retrouver face à un immense œil, il me semble, à la toute fin du niveau. Et en gros, le cristal se brise et il réussit, on va dire, à outrepasser cette petite étape. Et du coup, ces mécaniques-là, c'est vraiment comme ça, comme le disait Max, que le jeu va nous raconter des choses au fur et à mesure, avec des choses finalement qu'on croisait dans tous les plateformers depuis Mario, quoi. Et c'est pas forcément juste nous le dire, enfin c'est en partie nous le dire, et c'est aussi juste, en fait, accompagner. C'est des choses qu'on a déjà parfois comprises, en fait, avec les dialogues, avec la narration, avec le niveau. Et là, c'est juste des mécaniques qui prennent un sens, en fait, dans ce contexte. Après, d'ailleurs, même à la fin, tout à l'heure, tu parlais de la fuite donc, de Madeline. Et en fait, juste avant le dernier chapitre, en fait, juste avant l'acceptation, le combat final contre Madeline, c'est un miroir, en fait. C'est-à-dire que c'est opposé. Cette fois-ci, c'est pas Madeline qui court après Madeline. C'est Madeline qui va tout le temps essayer d'aller à la rencontre. En fait, il y a plein de tableaux qu'on enchaîne. Et pour finir les tableaux, faut aller toucher Madeline, en fait. Et évidemment, ça vient complètement en opposition avec ce qu'on avait vu dans le chapitre, comme tu l'as expliqué. Quoi. Ouais, en fait, juste avant ça, il y a Madeline qui parle un petit peu à la grand-mère, qui lui fait comprendre que Madeline, c'est pas forcément une autre personne de méchante, en fait. Ça peut être une partie d'elle qui a un petit peu peur aussi. Donc, elle encourage, en fait, Madeline à aller la voir, tout simplement, à aller lui parler. Et à ce moment-là, Madeline comprend que elle est pas forcément... Il faut pas forcément être dans le rejet, en fait, mais plutôt donc dans l'acceptation. Et donc, avant ça, elle est dans la confrontation, en fait, où elle va voir Madeline. Et comme tu le dis, il y a un vrai combat de boss, en fait, où là, c'est à nous, vraiment, de la toucher, de l'atteindre sur les différents tableaux, qui s'opposent donc complètement, comme tu le disais, encore au début, où on la fuyait, en fait. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que là, on est un peu en train de l'intellectualiser, tu vois, on formalise. Mais en fait, moi, quand j'ai joué au jeu, je sais pas comment vous l'avez vécu, vous, mais moi, je l'ai pas du tout, j'ai pas du tout mis des mots là-dessus, en fait. C'est-à-dire que, vraiment, dans le dernier combat contre Madeline, j'avais vraiment ce sentiment de « il faut pousser pour reprendre le dessus, en fait, sur elle, qui arrête pas de m'empêcher d'avancer, quoi. » Et c'est ça que je trouve super fort, finalement, dans l'utilisation vraiment de codes vidéoludiques, c'est que j'ai pas compris les choses, mais par contre, je les ai ressentis, en fait, quand je jouais. Et je pense que c'est à ce niveau-là, en fait, que le jeu est super fort. Il utilise vraiment des codes pour te faire ressentir des choses, et en fait, grâce au contexte dans lequel il les place, ça te porte, en fait, et ça vient te toucher. Je vais faire un truc un peu à la con, tu vois, mais ça touche au corps avant d'aller au cerveau, quoi. Et du coup, tout ça qu'on peut formaliser là, c'est aujourd'hui. Beau, hein, non, mais moi, je suis parti dans la poésie. Incroyable. Non, mais moi, je trouve, tu vois, c'est que en discutant après que j'ai pu me rendre compte de toutes ces choses-là, tu vois, c'est-à-dire que j'ai pu mettre des mots un peu dessus. Quand j'ai joué, je suis persuadé de l'avoir ressenti. Tu vois, ces émotions là mais j'avais pas décortiqué, en fait, ce qui faisait qu'elle fonctionnait, quoi. Surtout qu'en plus, ce truc là on peut l'illustrer, tu vois, dans tous les niveaux. On a retrouvé ces trucs là on a tout le niveau où, avec du vent qui va être en permanence en train de nous pousser d'un côté ou de l'autre de l'écran. Alors c'est encore une fois quelque chose qu'on connaît, qu'on a vu dans tous les jeux de plateforme de l'univers, avec un élément du décor qui nous gêne. Mais là, en fait, dans le contexte, et en fait, on comprend que Madeline, elle est en train de lutter, elle est en train de résister, en fait, à ce qui lui est en train d'arriver, aux changements qui sont en train de s'opérer en elle, et elle résiste. Et parfois, du coup, elle se laisse aller. Et donc, du coup, dans ce cas-là, tu peux imaginer que le vent, en fait, change complètement de direction. Et on va avoir, en fait, un balancement dans tout ce niveau avec le vent, où on va avoir Madeline qui va d'un côté, va devoir lutter face au vent, ou alors, au contraire, résister pour pas se faire emporter beaucoup trop loin. Et le tout en ayant toujours les mêmes mécaniques de base, c'est-à-dire ce petit saut, ce petit dash, hein, et cet objectif d'aller d'un bout à l'autre d'un tableau. Et du coup, on parlait donc de la partie acceptation de soi avec le combat contre Madeline. Et après, justement, ce combat, après que Madeline accepte cette partie un petit peu sombre d'elle et accepte que c'est pas forcément une faiblesse qu'il faut fuir, tu vois, mais une faiblesse qu'il faut accepter pour pouvoir gravir le Mont Céleste, ça devient du coup une mécanique de gameplay. Et donc, comme disait Xav, au début, on avait c'était toujours les mêmes mécaniques assez simples. Et pour la première fois dans le jeu, on obtient vraiment une nouvelle mécanique après s'être accepté. Donc, ici, qui se traduit par un double dash. Ouais, là, c'est un moment vraiment clé, en tout cas, dans le jeu. Donc, t'as l'acceptation de Madeline. Les cheveux, t'as une nouvelle couleur de cheveux, en fait. Ouais, qui devient le mélange des deux couleurs, en fait. Hein. Ce qui est génial, c'est que t'as une toute petite séquence de narration plus traditionnelle à ce moment-là, où, en fait, Madeline va prendre dans les bras Madeline, tu vois, va la consoler et lui dire « c'est bon, on peut y arriver ». Parce qu'en fait, ce qu'elle a compris, comme tu disais tout à l'heure, grâce à la grand-mère, on n'en avait pas parlé, mais il y a une grand-mère, dès le début du jeu, qui se fout un peu de la gueule de Madeline et qui intervient assez ponctuellement. Qui est un peu la Rafiki. C'est un peu la Rafiki, elle a un peu cette sagesse, mais de moquerie, mais finalement pour te pousser à réfléchir, quoi. Diogène dans son tonneau, tu sais, c'est un peu la Dumbledore de sa grand-mère feuillage, là où Gandalf vit. Fin du game, un podcast de la culture. Je suis en train de cocher toutes les cases des références de culture, c'est bon, on est pas mal. Yoda. Donc voilà, la grand-mère. Et la grand-mère qui lui disait qu'en fait, Madeline, finalement, comme tu le disais, c'est une personne qui est finalement effrayée. Et ce qui est génial, c'est de voir, quand toi tu le revis après, ou tu le refais le jeu, de voir justement comment Madeline se rend compte que Madeline n'est pas vraiment une autre personne, que c'est finalement toutes ces parties d'elle-même qui sont effrayées, qui plutôt, comme beaucoup de gens, quand on est effrayé, on a des fois tendance à être un peu agressif envers son environnement, envers ses proches, etc. Et de la forcer, en fait, à la prendre dans les bras pour dire « stop, calme-toi, respire ». Comme l'avait fait d'ailleurs Théo, je sais pas si on en a déjà parlé, ça, de le petit épisode, à un moment, en fait, où Madeline fait une vraie crise d'angoisse, ça va pas du tout. Elle est avec Théo et Théo en fait lui explique qu'elle doit simplement reprendre du souffle, tu vois, comme quand toi tu fais une crise d'angoisse, tu vas avoir des gens, soit ils vont te donner le fameux sac en papier, soit ils vont t'essayer de réduire ton souffle. Et c'est matérialisé par une petite plume que le joueur doit, en fait, doit maintenir pour la faire grimper et relâcher pour la faire redescendre, et il faut garder une sorte d'équilibre, d'harmonie, de la maintenir dans un petit rectangle, je crois. Et elle va en fait essayer elle-même après à son tour de faire pareil avec Badeline, et ça c'était vraiment un moment super fort, surtout qu'en plus moi ce que j'ai adoré c'est que dans un jeu vidéo classique, d'une, on te donne pas des mécaniques à la fin du jeu, ouais. C'est très rare, hein. Ouais, c'est des choses, une vraie surprise, vois, hein, à la fin, hein. C'est souvent un prétexte, c'est-à-dire qu'on te donne une mécanique, pourquoi, parce que t'as fini un niveau, parce que ben tu vois, on est plus dans des réflexions plus terre à terre du bah t'as fini un niveau, il te faut une nouvelle mécanique sinon tu vas lâcher le jeu et aller acheter Call of Duty, donc là on est plus dans quelque chose qui a du sens. Et surtout, le jeu ne s'arrête pas là. Parce que souvent, c'est le happy end, elle vécu heureux, elle a beaucoup d'enfants. Fait, ouais. Et au final, non. Après, t'as tout l'épisode complètement jubilatoire où tu vas monter en haut de la montagne dans une espèce de maxi best-of de tous les problèmes que t'avais eu, tous les obstacles qu'on avait rencontrés dans tout le jeu, avec une musique qui est évidemment super épique derrière. Et tu as ce fameux nouveau pouvoir qui permet de faire des petites séquences d'aide entre les deux. C'est génial, quoi. Ça, alors évidemment, la citation, on ne l'avait pas faite encore, mais ça rappelle évidemment la scène, tu sais, dans Final Fantasy, attention, Advent Children, rappelez-vous de ce film, où tu vois tous les personnages de l'équipe de Cloud, etc., qui chacun à son tour l'emmène un peu plus haut et le propulse un peu plus haut. On retrouve en fait cette même mécanique entre les deux, là c'est que Madeline et Badeline, il n'y a pas de crossover avec Square Enix. Et vraiment, ça fonctionne à fond. Moi, cette dernière séquence, j'étais comme un ouf, quoi. Je l'ai faite d'une traite, je crois même que j'ai failli rater mon arrêt de train, parce que j'étais dans le train quand je l'ai fait le jeu, et c'était mais incroyable, quoi. Il y a deux petites choses intéressantes aussi à dire autour des plumes, donc cette notion de plume qu'il faut garder pour un petit peu représenter la sérénité un peu, ça devient aussi un élément de gameplay en fait dans le jeu, où on peut ramasser des plumes et on devient une espèce de petit point lumineux en fait qui est complètement libre pendant, je sais pas, genre 5 secondes, ouais. Et on peut se déplacer complètement librement, et donc ça devient une petite mécanique encore, alors c'est pas capital, tu vois, dans l'aventure, mais encore une fois on voit qu'il y a un petit... Chaque mécanique en fait peut être un peu interprétée comme ça. En tout cas, moi, les plumes, je la ressentais genre, si tu reprends ton souffle, que tu te calmes, en fait, tu peux aller beaucoup plus loin, tu peux aller beaucoup plus vite, tu peux avancer, quoi. Et c'est comme ça que je le voyais en fait dans le niveau. Tu peux vraiment passer des passages très étroits, mais très longs, que tu pourrais jamais passer en fait si tu prenais pas la plume. Donc, en tout cas, pour moi, c'est comme ça un peu que je peux l'interpréter. Et finalement, tous les chapitres ont un petit peu des... ce qui serait des gimmicks de plateforme en fait dans un jeu qui n'aurait pas le sous-texte de Céleste, mais là ça devient à chaque fois un petit quelque chose que tu peux interpréter comme une façon pour Madeline de combattre, en tout cas de progresser dans ses états émotionnels, quoi. Et c'est pas juste de l'analyse, tu vois, qu'on tire du chapeau comme ça, c'est parce que finalement la façon dont c'est présenté, les rares éléments de narration plus traditionnels qu'on a avec les petits dialogues, etc., nous mettent sur la piste. Ouais, c'est ça, la musique va y participer également, et donc du coup ça en fait, comme tu le dis, on les comprend pas forcément quand on fait le jeu, parce que nous on est un simple joueur, donc on veut choper des fraises, on veut aller au bout du niveau, etc., mais dès que tu commences à poser la console et à réfléchir deux secondes à ce que tu viens de faire, et ben en fait tu vas te rendre compte que tu as aidé Madeline pour de vrai. Tu l'as pas juste aidé à monter la montagne, tu l'as aidé à lutter contre ses démons, à s'accepter, etc. Et en fait, comme ça, l'aventure, elle est finalement pas très longue, mais tu la vis vraiment, je trouve, de manière un peu fusionnelle avec le personnage de Madeline. Ouais. Ça, c'était quelque chose qu'on ressent finalement dans assez peu de jeux vidéo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parlait de mécanique, mais aussi un gros travail sur le level design. Moi, en tout cas, j'ai l'impression de voir. En fait, il y a une conférence, je crois qu'on a tous les trois vu, donc de Matt Thorson, qui explique un petit peu que lui, derrière chaque chapitre, en fait, il voulait faire une histoire. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que chaque chapitre, en fait, c'est une espèce de prisme par lequel Madeline va passer et qui va finalement influencer son état émotionnel. C'est-à-dire que c'est des causes externes qui font que tu évolues de manière interne, quoi. Et en fait, chaque niveau a vraiment une identité, mais structurelle, quoi. C'est-à-dire que c'est pas seulement esthétique, c'est vraiment comment ils sont foutus, et c'est ça, en fait, pour moi, qui va causer un petit peu les changements émotionnels de Madeline. T'as notamment le premier niveau, en fait, il est tout simple. Tu commences en bas à gauche et tu finis toujours en haut à droite. C'est-à-dire qu'il se construit vraiment comme une diagonale. C'est un peu un début c'est d'ascension. C'est une montagne. Voilà, tu montes ta montagne classique. On cherche pas plus loin. Et après, tu vas avoir des niveaux comme l'hôtel ou comme le temple de l'introspection, où là, par contre, on va beaucoup plus faire des zigzags, des allers-retours, des choses comme ça. Dans l'hôtel, en fait, elle aide un mec à ranger un peu son hôtel, et il est construit la structure du chapitre. En fait, c'est un espèce de hub central avec plein de bras qui partent, et tu vas devoir faire des allers-retours en fait entre les bras et le hub central pour ranger tout l'hôtel. En fait. fait. Et t'as une espèce d'agacement qui naît finalement au fur et à mesure de ces allers-retours que t'es obligé de faire en fait en termes de vraiment de chemin critique pour terminer le niveau. Ouais, parce que t'as une clé, c'est ça qui est au milieu du hub, t'as une clé et il faut la libérer, il y a des passages, voilà, ça, et t'as pas le choix, il faut tous les faire. Exactement. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que ils arrivent à te faire ressentir l'agacement de Madeline parce que c'est vraiment ce qu'elle est en train de vivre en fait. C'est-à-dire qu'elle arrive dans cet hôtel, elle est plutôt bienveillante au départ vis-à-vis de ce mec qui est un peu bordélique, elle se dit bon bah je vais l'aider un petit peu, et puis au final elle en a de plus en plus marre, et à la fin ça se termine par une crise avec Madeline qui apparaît en fait, qui ressort et qui dit mais elle s'en fout, tu vois, elle fait juste ça pour sentir mieux tu vois, pour sentir mieux et en fait ça la saoule, tu vois, elle s'en fout de toi, et ça devient une crise. Et en fait ce qui est super cool, bah c'est voilà, le niveau il arrive à créer ça en toi, et du coup bah tu le ressens, là ce qu'elle est en train de ressentir Madeline à la fin, tu le ressens. Et c'est pareil dans le niveau de l'introspection, t'en parlais tout à l'heure, tu vois, il est hyper oppressant. Moi j'ai refait le jeu, vraiment ce niveau je le redoutais parce que je savais qu'il me fait flipper, parce que il fait tout noir, tu dois faire plein de zigzags, c'est extrêmement labyrinthique. Ouais, tu te perds, en fait. Ouais, c'est comme quand tu fais l'introspection, quoi. C'est ça, mais le code de la plateforme, c'est à cause d'un certain plombier, c'est que tu vas de la gauche vers la droite de ton écran. Ouais. Tu vois. Et mine de rien, ça a l'air de rien, mais après toutes ces années à faire ce genre de déplacement, nous, dans les jeux vidéo, puisque dans tous les autres jeux, après, on se déplace souvent de la gauche vers la droite, Thorson, ce qu'il va faire, c'est que, par exemple, dans la toute fin, quand tu cherches à t'excuser des mots que tu as lâchés au maître d'hôtel, hein, tu vas de la droite vers la gauche. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais en fait, c'est aussi une façon simplement d'expliquer aux joueurs, bah, tu reviens un peu en arrière, tu reviens sur tes pas. Et du coup, tu progresses plus, en fait. T'as pas l'impression, en tant que joueur, c'est assez étrange, vous y réfléchirez, vous, quand vous jouez, quand tu vas de la gauche vers de la droite vers la gauche, plutôt, t'as l'impression de revenir en arrière, de revenir visiter des choses, tu vois, de prendre du temps. De faire un détour, en tout cas. Exactement. Tu vas pas, en fait, dans la bonne direction. Parce qu'en plus, du coup, c'est là où le niveau 1, il est malin, c'est qu'il t'explique que ça se passe en haut à droite. C'est ça. La fin, elle est en haut à droite. C'est pas à gauche, c'est pas en bas à gauche, ni quoi que ce soit. Si tu vas dans ces directions-là, a priori, tu t'éloignes de ton objectif. Et c'est comme ça qu'on va petit à petit suggérer à la fois le côté fastidieux d'aller faire tous les niveaux, et surtout l'agacement, à la fois pour le joueur et à la fois pour Madeline. Et du coup, je fais une mini parenthèse avec ce niveau de l'hôtel, puisque la thématique, en fait, elle est aussi très liée à toute cette notion un petit peu de maladie mentale et de self-care, en anglais, un peu soin de soi, enfin, je sais pas vraiment comment le traduire. Mais ça, c'est un truc que tu retrouves souvent où, en fait, les gens qui sont soumis un petit peu à des soucis, comme on peut le voir avec Madeline, et un des problèmes qu'il peut avoir, c'est donc de trop aider les gens qui sont autour d'eux. Ça, c'est une vraie thématique, et qu'en fait, quand tu aides trop les gens, ça va t'épuiser en fait mentalement, physiquement, et que parfois c'est mieux en fait de ne pas aider certaines personnes pour que toi tu puisses t'aider en fait. Et donc on retrouve encore assez intelligemment mené une thématique autour C'est l'idée de se dire il faut pas faire des trucs aux dépens de ta propre santé, parce que du coup tu pourras faire tout ce que tu veux, à la fin ce qu'on se rend compte, c'est que le petit maître d'hôtel il a ses propres problèmes, et Madeline elle aura beau avoir fait tous les efforts du monde, lui aussi, il a son propre souci qu'il doit régler lui-même. Et on ne sait pas du coup ce qui arrive, puisque à la fin, il y a encore un combat de boss, où là, cette fois-ci, on n'est pas poursuivi par Madeline, mais par une immense tête qui représente le maître d'hôtel super vénère, qui nous chasse, et qui là, encore une fois, nous chasse donc bien vers la droite de l'écran, et nous, en fait, on s'éloigne de l'hôtel, et on l'abandonne. Et plus tard, on aura l'occasion, du coup, de regretter les actions, enfin, en tout cas, Madeline aura l'occasion de regretter ses actions, et d'en parler un petit peu avec Théo, etc., etc. Je crois qu'on a fait le tour à peu près, en tout cas sur la partie narration par le gameplay. C'est vraiment ça, je pense, qui fait le sel de Céleste et qui fait qu'aujourd'hui c'est un jeu qui nous a vraiment tous conquis. C'est vraiment sa façon de raconter les choses. Et vraiment, si vous vous posez, vous prenez n'importe quel élément qu'il y a dans le jeu, que ce soit un peu du level design ou des mécaniques, il y a toujours une petite signification en fait qu'on peut trouver dans l'histoire et dans ce que le jeu essaie de raconter. Et en fait, ce qui est génial, c'est de se dire que les développeurs, en fait, ils n'ont pas inventé une technique géniale et c'est devenu des inventeurs incroyables. C'est juste qu'en fait, ils ont appliqué des règles très basiques de design de jeux vidéo qui font que les mécaniques doivent être en fait liées à quelque chose, à une narration, à un élément de la diégèse du jeu pour qu'on comprenne ce qui se passe. Et donc, ils ont poussé ce truc-là à fond. C'est-à-dire que, par exemple, on connaît tous la fameuse histoire, la fameuse image d'Épinal, comme quoi les tortues auraient été designées de cette manière-là pour qu'on ait envie de leur sauter dessus dans Mario, ou que les tuyaux, on ait envie d'aller à l'intérieur, etc. Cette fameuse, je ne sais plus si c'est une légende ou pas, c'est vous les experts du décryptage. Ça se dit, c'est les trucs qu'on dit, les analystes, on dit dit ah oh, vous savez Mario ils ont designé ça comme ça hein. C'était ouais, parfaitement ouais. cohérent donc je sais pas mais en ouais. fait au final c'était un jardinier. Non mais en fait on a cette image là dans la tête que un élément de jeu doit être compréhensible et que ça doit un petit peu suggérer des choses aux joueurs hein. Ça on le sait, mais eux ils ont poussé ça vraiment au bout du bout pour que ça soit pas juste des petites choses que les joueurs comprennent sur comment avancer dans le jeu, genre t'as une espèce de trampoline, tu sautes dessus, tu vas plus loin, mais que ces éléments-là participent à l'histoire du jeu et que c'est ça qui raconte principalement le jeu, et du coup bah, tu la vis, et c'est là où je trouve que moi le jeu vidéo par rapport à tous les autres médiums se différencie, puisqu'on va pouvoir expliquer des choses via des actions qu'on fait dans tous les autres jeux, tu vois, sauter, s'accrocher à des murs, faire des dashs, on a fait ça dans des centaines et des centaines de jeux avant Céleste, mais on l'avait jamais fait en comprenant et en ayant l'impression d'accompagner une jeune fille qui cherche à s'accepter et à retrouver confiance en elle. Clairement, tu sens que tous ces outils en fait, du jeu vidéo ont été pris en compte. C'est vraiment au centre de la réflexion. T'as, dans la conférence donc de Matt Thornton, quand il parle du level design, il dit aussi qu'il a fait certaines parties des tableaux juste pour l'histoire. En fait, il a commencé par faire les tableaux donc, pour le gameplay, voir un petit peu ce qui marchait bien en termes d'expérience et tout. Et il y en a qui ont été rajoutés juste pour l'histoire ou pour mieux accompagner la narration. Ouais, à la fin du chapitre 2 d'ailleurs, donc après cette crise en fait Madeline court après Madeline, en fait il y a un espèce de moment où il y a plus du tout de danger, c'est-à-dire qu'on traverse encore quelques tableaux mais il y a plus du tout de challenge, en fait on le traverse vraiment et ça crée une espèce de pause, en fait une espèce de gros calme après ce qui est une vraie crise d'angoisse, une vraie première crise dans le jeu. Il y a une espèce de vrai calme, mais alors je sais pas si vous avez déjà fait des crises d'angoisse dans vos vies, mais c'est vrai que souvent quand on s'en sort il y a une espèce de ouais, il y a un petit temps un ouais, peu voilà, tu vois ça. Une petite parenthèse dans laquelle ouais voilà, et du coup on arrive vraiment à ressentir ça, et ça c'est vraiment des règles en fait de game design qui permettent de transmettre ça quoi, tout simplement. C'est comme au cinéma quand vous faites un cadrage serré ou un cadrage large, vous allez provoquer des émotions un petit peu différentes. C'est exactement là, ça, c'est-à-dire qu'ils utilisent ce qu'on appelle la grammaire d'un média, c'est-à-dire qu'il va utiliser les codes du jeu vidéo pour nous transmettre des choses de la même manière qu'on peut le faire dans le cinoche. T'as raison de le dire, parce que c'est quelque chose qu'on a intellectualisé maintenant aujourd'hui. On sait que tu vois, je veux dire, quand n'importe quel cinéma tu vois un cadre qui se resserre sur un couple avec une petite musique, tu sais qu'ils vont s'embrasser ou qu'il va se passer un truc. Donc, on le sait toujours à l'avance. Là, le jeu vidéo, on est encore en train de la découvrir, cette grammaire-là. Et eux, ils l'ont exploité vraiment de manière ultra maline, parce que parce que le jeu est quand même relativement difficile par moment, et là, ils te mettent un niveau sans aucun danger, ça va bien se passer. C'est des petites pastilles qui de pause comme ça, des petits silences qui, dans une musique, peuvent fonctionner. Dans un jeu vidéo, on va dire triple A, boum boum, c'est pas forcément des choses qui vont faire. Ou alors, ça va servir pour te servir de transition entre deux phases d'action. Là, c'est vraiment un moment de t'as réussi à t'en sortir, reprends ton souffle, reprends un petit peu confiance en toi, on met aucun danger, voilà, t'as réussi à sauter par-dessus un truc où il n'y a aucun danger, t'es trop forte. Et c'est comme ça en fait que se termine ce niveau, et c'est je pense que c'est un des points du jeu qu'on voulait aborder sur le côté bienveillant de l'intégralité de l'écriture de Céleste, qui moi personnellement m'a beaucoup touché, puisque au-delà de ces histoires de tests, je suis un peu associé à la série Dark Souls depuis des années. On peut le dire, forcément ouais. J'ai beaucoup parlé de roulade, j'ai beaucoup parlé de monstres et de morts-vivants et de combats, mais j'ai jamais été attiré par la difficulté à tout prix ou par une espèce d'élitisme qui ferait qu'il y a les vrais joueurs et les faux joueurs et je sais pas quoi. Et Céleste, ce qui est génial, c'est qu'ils ont vraiment été au bout de cette approche-là en disant tout le monde peut jouer à notre jeu, parce que le jeu est relativement difficile, on aura l'occasion d'en reparler un peu après, mais en fait, peu importe votre niveau de jeu, peu importe votre niveau en tant que joueur, vous allez pouvoir venir le faire et vous allez pouvoir y parvenir. Et je reprends juste mon souffle, mais c'était pour dire qu'ils ont créé ce qu'ils appellent le mode assist, ce qui est une sorte de petit mode, une option dans le jeu, dans lequel tu vas pouvoir paramétrer tout un tas de petits éléments qui vont te permettre de personnaliser vraiment ton expérience, de faire ton jeu un peu à la carte. Est-ce que tu vas mourir? Est-ce que tu as du dash infini? Est-ce que tu peux tomber dans le vide? Etc. Et en faisant ça, tu vas en fait te créer ta propre expérience et pouvoir faire le jeu, quoi qu'il arrive, sans aucun problème. Ce qui est une tendance qu'on voit de plus en plus dans le jeu vidéo, puisque c'est Mario Odyssey. Alors avant ça, Nintendo avait déjà fait du bruit avec un certain mode assist. C'était quel jeu déjà ? Alors en fait, il n'y avait pas encore de... En fait, ils avaient... Vous savez, c'est les... à chaque fois qu'il y a des transitions entre les générations, il y a des dépôts forcément de brevets de la part des constructeurs. Et ils en avaient déposé un. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'était juste avant. C'était soit pour Skyward Sword, soit pour Breath of the Wild. Donc un des deux derniers Zelda qui sont sortis de chez Nintendo. Et ils avaient déposé un brevet pour un mode qui permettait de skip, non pas des cinématiques, mais de zapper complètement des phases de jeu. Et ça avait fait grand bruit à l'époque, parce que c'était scandaleux, les vrais joueurs, patati patata. Et au final, comme tu dis, ils sont quand même gardé cette idée-là, parce que Nintendo, c'est des gens qu'on a un petit peu derrière dans le ciboulot, et ils ont mis ça dans Mario Odyssey. Alors moi, je ne l'ai pas trop fait, donc je ne sais pas si tu veux expliquer comment ça se matérialise. Alors, je n'ai pas joué avec le mode assist, mais c'est un mode où tu es invincible, si j'ai bien compris, alors, ou quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas fait en mode assist, ouais, malheureusement, je ne saurais pas trop vous dire. Mais en tout cas, dans Céleste, qui est venu juste après, là, on va vraiment complètement dans ce délire-là. Et en fait, parce que c'est Matt Thorson qui disait, alors c'était pas la conférence, mais enfin, c'est une citation de lui, où justement, il ne savait pas trop au moment où ils étaient un petit peu dans cette réflexion de est-ce que je mets un mode assist ou pas. Il a vu qu'en fait, au final, c'était plutôt une bonne direction, en tout cas une direction légitime quand il a vu que Mario Odyssey le faisait et qu'au final, ça se passait plutôt bien. Et ce qui est cool avec Céleste, c'est qu'il n'y a aucun jugement aussi. Ouais, c'est ça, qui est vraiment important en tout cas par rapport à ce mode assist. Contrairement à d'autres jeux, pour le coup, parce qu'au final, je disais que c'était une tendance, mais il y a l'autre tendance qui reste en fait, qui est celle un petit peu de punir ou de juger les gens qui vont mettre des modes de jeu faciles. Donc je pense à deux jeux où tu as Wolfenstein, alors pas le dernier, mais je crois que c'est The New Order, où en fait quand tu choisis les modes de difficulté, tu vois le héros qui a une apparence qui change en fait, et quand si on sélectionne le mode facile, il est stéréotypé en bébé quoi, il a une tétine, il a un petit truc c'est cheveux. Can I play daddy ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. c'est le nom ça, du ça, mode. Ça c'est l'héritage tu vois en plus de Doom hein, puisque Doom 2 à l'époque et Doom tout court, hein, c'était vraiment le délire, tu choisissais le Hurt Me Plenty, je sais plus quoi, les différents modes de difficulté, tu sais qu'il y avait des noms, vraiment extrêmement éloquent, et en fait pendant des années on s'est traîné ce boulet de l'idée que finir un jeu ça faisait de nous des espèces de super-héros ou je sais pas quoi, et ça a donné ça a quand même donné naissance à des comportements un peu chelous où les gens du coup rejettent les gens qui jouent en mode facile, mais en réalité du coup avec Céleste, ce que j'ai trouvé super c'est que eux ils embrassent complètement ça, ils ne te jugent pas, ils te mettent pas la culpabilité, et t'as juste un petit message de warning qui te dit attention, nous, on a voulu faire le jeu de cette manière-là, mais tu peux tout à fait le faire de cette manière-là. Nous, ça ne nous dérange pas. Tu peux installer les modes assist. Si jamais, tu peux t'entraîner, etc. Et ce n'est pas que à ce moment-là. C'est-à-dire que même entre les niveaux, tu as d'autres petites pastilles de chargement avec des petits messages comme dans tous les jeux. Voilà, les petites cartes postales qui te disent c'est pas grave, sois fier de tes morts en fait. Tu vois, ça c'est super important. Tu vois, c'est pas mange tes morts ou je sais pas quoi, c'est sois fier de tes morts. Non, mais moi j'avais trouvé ça super. Tu vois, la traduction, la localisation FR avait trouvé une formulation, je l'ai plus verbatim, mais elle était très bien. Et c'était en gros, sois fier de tous tes échecs, c'est comme ça que tu vas apprendre. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'est vraiment cette philosophie-là, moi, dans laquelle je me retrouve aujourd'hui beaucoup dans le jeu vidéo. Et là, eux, ils ont réussi à en faire non seulement cette histoire de mode assist, mais finalement. Toute la manière qu'ils ont de communiquer avec leurs joueurs une fois que tu as lancé le jeu, c'est avec ce côté très bienveillant du « tu peux y arriver, c'est pas grave, tu vas t'entraîner, mourir c'est normal, de toute façon tu savais pas jouer au départ, tu vas y arriver petit à petit » et ainsi de suite. Et ils le font aussi avec les fraises où quand tu commences à en prendre, t'as un petit message du style « Ah, les fraises, c'est juste pour impressionner tes amis, mais te prends pas la tête, quoi, t'as pas besoin de toutes les ramasser. » Oui, c'est vrai qu'on l'a même pas parlé, parce que les fraises, c'est quand même le truc central de Céleste par certains moments, mais en réalité, c'est un contenu complètement optionnel. C'est ces petits objets qu'on doit trouver dans les différents niveaux ou dans certains niveaux un peu cachés. Et oui, très vite, le jeu va te dire « Les fraises, c'est cool, mais effectivement, t'en as pas besoin pour finir le jeu. » C'est vraiment pour se la raconter. Et à côté de ça, t'as un Cuphead où si tu y joues en facile, tu n'as pas accès aux deux derniers niveaux, en fait aux deux derniers boss. Ouais, c'est-à-dire par opposition. Parce que ouais, Céleste a vraiment ce truc-là, mais ouais, c'est vrai que la même. Cuphead était sorti quoi. C'est sorti un peu avant. Il y a 2017, je pense. Fin 2017, ouais. Ouais, voilà, ouais. Et c'est vrai que ouais, effectivement, tu peux pas finir le jeu si tu choisis le mode facile. Donc le mode facile dans Cuphead, c'est que tu as moins de patterns en fait. Les boss ont moins de patterns, sont plus rapides à battre. Et effectivement, tu ne peux pas accéder. Bah, tu peux pas finir le jeu. Tu peux pas battre les deux derniers boss. Il y a le mec avec un dé qui. Il faut pas dire. Là, on spoil. Céleste, on spoil pas le reste. On peut quand même t'expliquer qu'il y a un mec qui te dit non, tu retournes au jeu et tu vas le faire. Ah oui, ça par contre, il n'y a pas de souci. Non, je croyais que tu allais expliquer ce qui se passait à la fin quand elle meurt. Non, effectivement, on spoilera le jeu dont on parle. Voilà, pas les autres. J'avais pas les autres. C'est bon. Mais c'est vraiment une question de biais, de façon de présenter les choses. Parce que moi, je me souviens, en fait, un petit peu avant Céleste, j'avais joué à The End Is Nigh ou Nigh, le nouveau Macmillan, donc ce qui est un peu la suite spirituelle de Super Meat Boy. Et tu as aussi un compteur de mort, en fait. Sur ton petit machin de chargement, et tu le vis vraiment comme un poids. Tu dis, ah putain, j'ai déjà 800 morts, quoi. Je suis déjà à 1200 morts. Et j'ai vu une photo sur internet, il y en a un, il est plus loin que moi, il a moins de morts que moi. Ah, ça veut dire que je suis nul, tu vois. Et par contre, Céleste, en fait, rien qu'en te disant ça, en fait, il t'enlève toute cette tout pression. Ce poids en fait, ouais, tout cette injonction en fait qu'ont les jeux un peu hardcore habituels avec ce nombre, et du coup tu t'en fous en fait, tu regardes ton nombre, tu fais, je suis déjà mort 300 fois quand même, c'était chaud ce niveau, c'est pas grave, la prochaine fois je ferai mieux, tu vois, c'est je ferai mieux la prochaine fois. Et ça, c'est vraiment en fait une c'est des philosophies qui non pas s'opposent mais qui sont aujourd'hui présentes dans tout l'espace de création du jeu vidéo, et je trouve ça génial qu'un jeu comme Céleste ait réussi à avoir autant de succès, autant d'impact cette année, parce que vraiment arriver avec cette méthode là à tous les aspects, parce que c'est quand même ça qui est fort, c'est de se dire le mode assist c'était déjà une bonne idée, mais les messages en plus de ça, ouais, c'était encore une bonne idée, etc. Et le jeu finalement, étant donné que l'histoire de Céleste, on l'a dit, c'est d'aider quelqu'un à s'accepter, donc eux ils vont pas arriver en te mettant une pression supplémentaire, ça aurait créé une incohérence qui est un peu bizarre. Il y a une citation, je t'interromps juste pour caser ça, Maxime, les citations hein, toujours. Il y a Matt Hansen encore qui a dit en fait, lui, il était aussi dans une phase dépressive en fait quand il bossait sur le jeu, et il a dit qu'en fait il voulait traiter les joueurs comme il aurait aimé être traité. Donc il y a vraiment, et on ressent effectivement cette philosophie, mais complètement dans tout le jeu. Ouais, c'est ça. C'est quand tu joues au jeu, t'as la musique, tu joues avec ton petit truc, même s'il est relativement difficile, t'as l'impression, d'être dans un petit cocon de. Là, dans ce petit espace-là, je vais progresser, des fois je vais galérer, je vais y revenir. Et du coup, pour l'autre partie qu'on voulait voir, c'était le délire de. Ok, il y a tout cet aspect-là, le jeu il est sympa, mais par contre, si tu veux du challenge, mon petit loulou, tu vas être servi. Je me permets juste de petite citation. Alors, pas une citation, mais de pas tout de suite partir sur le côté hardcore, même si en fait ça lit bien. Il y a un truc que j'avais trouvé assez intéressant dans le jeu, je sais pas si vous vous souvenez, donc dans ce fameux temple de l'introspection, avant qu'on se fasse taper dessus par les espèces de monstres poissons, là, je sais pas si vous vous souvenez, on le contrôle en fait à un moment avant qu'il nous attaque. Avant qu'on le rencontre, oui, vraiment, toute une phase, on le contrôle et du coup on comprend en fait ces patterns, on comprend qu'il y a certains murs, alors c'est une espèce de mur un peu transparent je crois, qui ne peut pas traverser, et à l'inverse il y a des murs fissurés, si on leur fonce dedans on les détruit on peut passer. Et du coup ça c'est quelque chose qu'on apprend non pas en fait en combat et après être mort parce qu'on n'a pas compris, c'est quelque chose qu'on apprend en fait en contrôlant le monstre, et je trouve que c'est aussi une approche intéressante dans l'apprentissage, c'est plutôt que de mourir face à un ennemi et d'éventuellement être frustré par la mort, tu apprends les patterns de l'ennemi, ses capacités, en le contrôlant en fait, tout simplement. Donc je trouvais que c'était aussi peut-être une manière d'avec bienveillance en fait, apprendre les patterns entre guillemets, les comportements de l'ennemi. Ouais, pour moi ça témoigne à quel point c'est des purs game designers, quoi. Enfin c'est vraiment des gens qui ont compris, tu vois, qui ça fait un moment qu'ils poncent, tu vois, les jeux vidéo, qu'ils en font, et tu te dis il y a une vraie appropriation, intégration, compréhension des codes, tu vois, pour faire quelque chose de réussi, tu vois, pour apprendre quelque chose. Enfin je veux dire, l'apprentissage dans un jeu de plateforme c'est la base, tu vois, de tout le temps. Oui, mais apprendre. En général c'est on va éloigner un petit peu le rebord de l'autre bout et tu vas sauter là comme d'habitude, mais c'est trop loin et tu vas mourir et tu vas recommencer, tu vas perdre ta vie. Ouais. Et c'était comme ça dans Mario, tu te prenais le petit marteau du petit mec sur son nuage et tu disais là il faut que j'esquive, et tu apprenais petit à petit les choses. Là effectivement c'est vrai que le seul ennemi du jeu, d'introduire le danger, seul comme vrai ça, méchant qu'on va croiser de manière un peu régulière, parce qu'avant sinon c'est que des boss, on le contrôle avant de pouvoir l'affronter. Encore une fois, on te prend par la main, il y a un vrai apprentissage où t'es pas en danger en fait au début, quoi. Et du coup, dans la maîtrise, donc je disais, c'est des purs game designers, et en fait, du coup, ils l'explorent vraiment sur un côté beaucoup plus dans le challenge, parce que ça monte vraiment beaucoup. Céleste, il y a les phases A, en fait, ça, c'est les c'est le jeu de base. Ouais, c'est le jeu de base. Et derrière, chaque niveau, il y a une phase B, voire même une phase C, et les phases B sont quand même relativement vénères, et ce qui est vraiment encore plus impressionnante, c'est qu'en fait, elles permettent de découvrir la profondeur en fait des mécaniques du jeu. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas avoir besoin de savoir faire seulement dans les phases B, et des choses que tu vas apprendre dans les phases B que le jeu ne t'apprend pas, en tout cas dans le jeu de base. Il y a notamment l'exemple dans le niveau un peu des rêves. En fait, tu as des espèces de blobs d'étoiles. Alors, c'était comment que tu appelles ça? Les blobs étoilés. Les blobs étoilés. Patent pending. Si tu dashes, tu peux traverser en fait du coup sur un espace beaucoup plus long si tu passes par ces trucs-là. Mais ce que tu apprends dans les phases B, c'est qu'en fait juste à la sortie du blob, si tu sautes, et tu vas encore plus avoir une espèce de boost de saut et tu vas pouvoir sauter beaucoup plus loin. Ouais. Et les phases B en fait explorent beaucoup plus ces trucs là, quoi. Ouais, on se rend compte, on disait que le gameplay était alors limité avec 1000 guillemets, mais qu'on partait avec pas énormément de capacités, et en fait on se rend compte que le jeu a une profondeur vraiment insoupçonnée, que les phases B exploitent complètement, quitte à même t'apprendre des moves complètement nouveaux, parce que t'as les petits trucs, donc comme Hugo disait, où ça peut être de l'élan qui est donné après des mécaniques qu'on connaît déjà, mais il y a un mouvement qu'on apprend, par exemple, qu'on peut appeler le wall dash. Et en fait, c'est si on fait un dash donc à la verticale vers le haut et qu'on effleure en fait un mur et qu'au moment d'effleurer le mur, on saute vers le haut. En fait, Madeline pose un peu son pied et saute encore plus haut. Donc c'est une espèce de dash saut qui est à très haut. Ça, c'est un truc, face A, pas besoin de le maîtriser pour la faire. Personne nous le dit, alors que là, on l'apprend vraiment. C'est le corbeau qu'on retrouve dans le niveau qui nous apprend cette petite technique. Ouais. Et c'est complètement exploité dans cette phase B, notamment à un moment assez rageant où pendant l'espèce de tableau, j'en ai déjà parlé, mais entre nous. Les crampes dans les doigts sont encore là, tu vois. Surtout si tu joues sur Switch, alors là, c'est un peu de violence. T'as le niveau best-of dont on parlait qui est très cool, mais qui est dur en phase B. Et t'as vraiment un moment où pendant 10-20 secondes tu traverses vraiment un tableau où si tu rates un truc, c'est bon, t'es perdu, tu traverses des espèces de couloirs de cristaux, si tu tombes tu meurs, et il y a vraiment un moment où t'as un carré, il faut faire ton wall dash, tu vois, sur le carré pour pouvoir monter. Si t'as dashé 10 cm trop à droite ou si tu rates ton timing de wall dash, c'est perdu, faut tout refaire. Donc on voit quand même, Céleste, c'est un jeu qui peut être très très hardcore, même si le mode assist est toujours dispo dans les FSB. C'est-à-dire ils vont jusqu'au bout de leur délire de bienveillance, c'est-à-dire que tu as le challenge, mais tu peux garder le mode assist, c'est pas grave, tu seras pas puni, tu auras quand même accès à la fin, tu pourras quand même les terminer. À la fin, on récupère des petits cœurs là qui permettent de remplir un niveau bonus, que tu les obtiens de la même manière, et tu peux aussi avoir accès à ces fameuses phases C qui sont là en fait un seul niveau par environnement, avec vraiment le top du top des trucs les plus compliqués qu'ils aient pu inventer les développeurs. Et moi, ce que j'avais trouvé génial, c'est que ces mécaniques que tu apprends dans les phases B, quand tu reviens dans le jeu de base ou que tu le recommences, tu vas te rendre compte que le level design, il avait déjà anticipé qu'un jour ou l'autre, tu reviendrais peut-être, et que tu pourrais apprendre ça. Et en fait, il y a des passages qui existent, qui ont été pensés pour utiliser toutes ces nouvelles méthodes. Et moi, je suis pas aussi sensible, tu vois, qu'Hugo sur le côté level design, mais quand je me suis rendu compte de ça, c'était dans la conférence, la fameuse conférence de la GDC, je me suis dit, putain, mais les mecs, le niveau de réflexion, c'est là que tu vois que créer un jeu, c'est pas juste faire des petits dessins et faire ses carrés. Ils se sont dit, ça a l'air pas mal. C'est vraiment un truc d'itération et de répétition. Jusqu'à éprouver chaque pixel du jeu pour qu'ils soient sûrs que ça corresponde à ce qu'ils veulent faire, quoi. Et ça, moi, j'avais trouvé ça vraiment bluffant. Ouais, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un vrai apprentissage, en fait, parce que même, je pense, sans forcément faire les nouveaux mouvements, il y a d'autres chemins, en fait, juste avec le fait d'être à l'aise, en fait, dans tes dash, dans tes sauts, dans tes wall jump et tout, tu vas découvrir d'autres chemins aussi, quoi. Donc, tu vas oser faire des trucs, tu vas te rendre compte que si tu fais un dash en même temps que tu pars le stick sur le, que tu mets la stick sur le droit ou je sais pas quoi, ou tu cours, ou que tu fais un dash et que tu sautes en même temps, enfin, il y a des petits moves comme ça que tu apprends vraiment et que tu vas pouvoir exploiter. Et oui, tu vas prendre un peu plus de risques, parce que du coup, elle récupère son dash à l'instant où elle pose le pied, et tu vas, au bout d'un moment, tu vas juste poser le pied une demi-seconde et repartir et aller à une vitesse folle. Le jeu, non seulement il y a cet apprentissage, et du coup, il te pousse presque naturellement à faire du powerplay, donc faire du speedrun, à faire du 100%, des runs à contrainte, ce genre de choses. Ouais, c'est ça qui est intéressant au final avec ce jeu, c'est qu'il y a toute une approche vraiment bienveillante avec le mode assist, avec les messages du jeu, toute la narration, et l'utilisation des mécaniques aussi, l'apprentissage. Et à côté de ça, c'est vraiment un jeu dans lequel on peut s'engager à fond, vraiment être hardcore dedans. Il y a une communauté vraiment de speedrunners ou des gens qui ont découvert le speedrun justement, peut-être parce qu'ils sont passés par ce côté bienveillant, ils se sont sentis un petit peu à l'aise et ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables en fait vraiment de poncer le jeu tout simplement. Et donc c'est vraiment un jeu qui réunit ces deux aspects qui pourraient paraître contradictoires et au final pas tant que ça, quoi. D'ailleurs, il les réunit parce que Céleste, c'est un jeu où la thématique c'est l'escalade. Et en fait, Matt Thorson, il aime beaucoup l'escalade et il racontait, petite citation, en fait, il racontait dans l'escalade, en fait, l'escaladeur, le grimpeur confirmé, il va avoir en fait des opportunités que le débutant ne verra pas en fait dans un même tableau. Et c'est vraiment ça en fait dans Céleste, c'est-à-dire dans chaque tableau, une fois que tu as fini le jeu, quand tu y reviens, tu dis ah mais attends, je peux jumper là et bim, là je peux gagner du temps, je peux sauter peut-être tout ce segment là, tu vois. Et c'est ça en fait, quand tu grimpes, tu vas dire attends, mais cette prise là, si je mets ma jambe ou un truc comme ça, je suis pas un expert en escalade, mais il y a ce côté apprentissage et fait que tu vas avoir d'autres opportunités en fait dans le level design. Et là où du coup tu peux vraiment comprendre à quel point Céleste c'est un chef-d'œuvre, c'est que moi, tu vois, c'est un truc qui m'obsède depuis des années, puisque je vous ai parlé de Dark Souls tout à l'heure, je vais en reparler, mais ce que j'avais adoré à l'époque dans Dark Souls, c'est que c'était un jeu qui était beaucoup plus violent. Il n'y a pas le côté bienveillant. Hein. Non, Céleste, on va pas mentir. On peut le voir très loin, faut beaucoup gratter pour trouver l'amour. Mais il y a une similitude au niveau du design et de leur conception, c'est que ces deux jeux, dans leur philosophie, ils t'apprennent à te dépasser. Et ils t'apprennent en fait à maîtriser les codes, à maîtriser des choses et à te rendre plus confiant. Et ce que j'ai trouvé vraiment exceptionnel en refaisant plus tard Céleste, c'est de se dire, c'est un jeu dont l'histoire, c'est d'apprendre, d'aider une nana à gagner, reprendre confiance en elle, à éviter les crises d'angoisse, à savoir gérer ses peurs, etc., son stress, et à s'accepter elle-même. Et en fait, quand toi, tu joues au jeu, et en fait, non seulement tu l'accompagnes, Donc, tu as ce côté fusion, comme je disais tout à l'heure, mais tu fais la même chose avec toi-même. C'est-à-dire que toi aussi, tu vas apprendre à devenir meilleur, tu vas mieux jouer, tu vas peut-être prendre confiance en toi. Le jeu, il va pas te mettre d'obstacle en disant « Ah, t'es nul, t'es mort, t'es tombé ». Non, non, il va te dire « Allez, vas-y, accroche-toi, tu peux y arriver ». Et donc, au bout d'un moment, on va se retrouver effectivement avec des gens qui vont se mettre au speedrun, alors qu'en fait, bah, ils ont peut-être joué toute la première partie en mode assist et ils mourraient sur l'écran start de Mario, tu vois. Donc, mais... le jeu est tellement bien pensé, son propos de bienveillance est vraiment retrouvé à tous les niveaux de narration, que toutes les couches du discours de Thorson et de l'équipe derrière, c'est de nous dire, bah, vous pouvez y arriver, ayez confiance en soi, allez plus loin, dépassez-vous. Et c'est génial la façon dont tu te rends compte que, bah, voilà, j'ai fini le jeu, et quand tu le refais, mais c'est un plaisir, parce que tu, comme tu dis, tu vois, bim bam boum, et hop, tu traverses tout, quoi. Ouais, bon, on l'a déjà dit, mais c'est bon moment de le rappeler, mais vraiment ce côté où Madeline se dépasse, donc quand elle a le double d'âge, c'est en s'acceptant elle-même, c'est pas en allant chercher le parchemin ancestral qui va lui apprendre les techniques, ou une arme qui va permettre de détruire. Oui, ou elle n'était pas choisie à la naissance par une espèce de divinité, ou elle n'était pas blonde avec une épée dans un jeu japonais, tu vois. Donc, elle était juste, elle a appris, elle s'est acceptée. Ouais. C'est ça. Bah moi, je pense que ce qui en fait un jeu important, en fait, c'est un jeu qui reprend vraiment des codes qui sont hyper ancestraux, quoi. Enfin, la plateforme, c'est un des genres, le jeu vidéo, c'est un des trucs les plus vieux du jeu vidéo, quoi. C'est la base, quoi. Quand, moi, je pense qu'à quelqu'un, tu parles de jeu vidéo qui connaît pas trop le truc, il a tout de suite l'image de Mario, la plateforme, le truc en 2D, quoi. Donc, c'est vraiment la base. Et en fait, se dire que, bah, en 2018, il y a des gens qui arrivent encore à prendre ce truc-là et donner du sens, en fait, à ça et en faire quelque chose de neuf, moi, je pense que c'est un jeu important, en fait, pour la plateforme et même pour le jeu vidéo en général, quoi. Parce que il montre, en fait, que bah, c'est encore possible en fait de prendre des codes qui existent depuis super longtemps et d'en faire des choses nouvelles, quoi. Et surtout, bah, qu'on est très loin d'avoir vu tout ce qu'on peut faire, parce que eux, ils ont posé un premier jalon, tu vois, vraiment en mode alpiniste, ils ont posé leur petit piolet là, et puis tous les autres, ils vont pouvoir s'accrocher dessus et aller plus loin. Donc, tous ces jeux-là qui marquent un peu notre époque, et effectivement, je trouve que Céleste, pour moi, il a apporté ce côté de réussir à faire cohabiter le gameplay extrêmement exigeant, extrêmement pointu, où si tu te rates d'un pixel, t'es mort, mais on va également mettre de l'autre côté dans la balance cette idée de on va t'apprendre à le faire et on va t'accompagner et à la fin tu vas voir tu peux le faire, c'est pas de la magie, c'est pas de la sorcellerie, tout le monde peut y arriver, il faut juste qu'on t'explique et que nous en tant que développeurs on comprenne ce qui va te permettre d'y arriver. Et je crois que c'était Hugo qui m'avait dit ça, c'était les mecs de Enter the Gungeon. Ouais, en fait, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, qui racontait en fait très brièvement que bah, la plateforme, tu vois, eux ils se disaient avant de développer Enter the Gungeon, ils se disaient bah, on a envie de faire un jeu de plateforme, mais il y avait Super Meat Boy et ils se disaient mais qu'est-ce qu'on peut faire après Super Meat Boy sur la plateforme, qu'est-ce qu'on peut apporter à la plateforme. Et en fait, dans l'interview, ils disaient bah, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait que Céleste, c'était ça qu'il fallait faire. Et c'est vraiment ça, c'est se dire, moi quand je l'ai abordé le jeu, franchement, j'étais là, genre, encore un putain de jeu de plateforme, quoi. Pardon pour la vulgarité, mais c'est vraiment genre, qu'est-ce qu'on va encore avoir trouvé ça. Moi j'avais joué donc à The End Disney juste avant, quoi, et j'en avais marre, tu vois, ça m'avait saoulé, j'étais là, bah c'est bon, je connais. Et quand j'ai vu Céleste arriver, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir aller trouver là-dedans. Et en fait, bah non, quoi, c'est vraiment, on a poussé encore, on est allé vraiment ailleurs, et c'est ça les jeux importants, quoi, c'est ça, ouais, les c'est jeux qui comptent. On a l'impression de vivre dans une espèce de bulle, ils vont crever le truc, ils vont nous montrer qu'il y a tout encore un nouvel espace qu'on va pouvoir découvrir, et c'est pour ça que le jeu vidéo, ben, aujourd'hui, il n'est pas en train de tourner en rond, au contraire, il ne fait que progresser, et clairement, je pense que Céleste, cette année, a permis vraiment de faire avancer le Schmidblick de manière globale. Ouais, qui aurait cru que le potentiel GOTY 2018 était un platformer. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est et vrai, bah, que c'est pas évident. Bah, visiblement, peut-être les Video Games Awards, qui sait. Oui, c'est vrai que, alors on en a pas parlé, mais c'est vrai que Céleste est le seul jeu indé à se retrouver parmi dans la catégorie Game of the Year absolue, ou je sais pas, Ultimate Game of the Year, au milieu de Red Dead Redemption 2, Spider-Man, Assassin's Creed Origins, God of War. Alors moi personnellement, je pense que ce sera God of War. Si je peux mettre des pièces, je pense que ce sera ça. Ça, ouais, j'aurais dit Red Dead. Ouais, c'est ça, en gros, tu jettes une pièce. Voilà, d'un côté, c'est Red Dead, de l'autre côté, c'est God of War. Moi, je mise sur God of War, mais il y a Céleste au milieu de tout ça. D'ailleurs, je crois que c'est bah, Amora Bethany qui a fait un petit dessin, en fait, où on voit où elle a dessiné tous les personnages principaux, en fait, de tous ces jeux là et il y a Madeline, en fait, qui est juste au milieu, et c'est ultra choupinou, quoi, tu vois, tu te dis c'est ce petit jeu qui est là et il est incroyable, tu vois, et il est au milieu de ces grands noms, de ces mastodontes là du jeu vidéo, quoi. Et ben voilà, je crois qu'on va, du coup, on va peut-être terminer là-dessus. C'était une bonne façon de conclure la chose. Super, bah écoutez, merci messieurs, c'était super cool, c'était très cool. Où c'est qu'on peut vous retrouver sur internet, toi et Xerv? Alors moi je suis à internet, à la radio, la télévision, partout. Moi sur Twitter c'est @xerv85 et du coup toi tu disais l'autre fois il faut regarder ma description Twitter pour savoir où j'en suis dans ma vie. Voilà, c'est ça, ouais. Aujourd'hui donc je suis plus chez Gamekult, je reste un streamer, je suis sur la JVTV régulièrement, j'écris des bouquins pour faire l'édition, je bosse en tant que designer sur des jeux vidéo, notamment un qui s'appelle Shattered Tales of the Forgotten King avec un nom imprononçable, mais bon c'est pas moi qui ai choisi. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Et je bosse maintenant du coup avec vous sur ce podcast, donc fin du game. Maxime, toi, où est-ce qu'on te retrouve sur internet? Je pense que tu as une petite idée. c'est Game rhétorique. Game Next Door, je sais pas si vous connaissez. Vous allez sur Google, vous tapez Game Next Door. Donc sur YouTube et sur Gamekult, du coup, avec l'émission Loop. Et fin du game, sur vos applications de podcast préférées. Et moi c'est pareil du coup sur les mêmes endroits ou alors sur Twitter @HugoGND si vous voulez me voir parler de Ratatouille et de hip-hop, ça peut être aussi super sympa. Faites-nous des retours, voilà, c'est le premier pilote c'est incroyable, c'est vraiment le deuxième. On fera un pilote avec Vince la prochaine fois. On est en rodage donc voilà, on attend vos retours. Dites-nous d'abord si le concept vous a parlé, si ça vous a plu, et puis bah voilà, on se retrouve bientôt pour, j'espère, pour un prochain épisode de Fin du Game. Ciao, bisous. Salut.